Oh yeah. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh yeah, yeah, yeah. Toute ma force, toute mon âme, toute ma vie sont à toi, bébé. Tes exigences, ce que tu réclames, tes envies sont mes lois, jamais. Je ferai en sorte que tu sois belle, que tu souris chaque jour que Dieu fait. Ce que tu veux, je te le dois, je le veux aussi, car ton cœur me plaît. Hey, car ton cœur me plaît. Me plaît. Je te veux tel que tu es. Oh. Oh, oh, oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh, baby. Je te veux tel que tu es. Yeah, yeah, yeah. Oh. Oh, oh, oh. Ma douceur, ma passion, mes folies sont pour toi, bébé. Tes absences, tes doutes de femme sont finies, je les effacerai. Tout me transporte de tes dentelles à tes manies, j'aime ce que Dieu a fait. Je ferme les yeux dans tes bras, je m'enivre de tes parfums secrets. Hey, oh yeah, de tes parfums secrets. Hey, yeah, de tes parfums secrets. Oh yeah. Oh, oh, oh, baby. Je te veux tel que tu es. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, baby. Tel que tu es. Oh, my baby. Je te veux. Yeah.